La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la conscience ou l'art de se faire un film. Quel rôle le cerveau joue-t-il dans le rapport que nous avons avec le réel, dans la fabrication de ce que nous appelons une conscience, qu'il s'agisse d'une conscience de soi ou d'une conscience du monde? Et par quel processus les images de ce qui nous entoure se construisent-elles? Ces trois questions intéressent au plus haut point les chercheurs en neurosciences. Certains d'entre eux considèrent qu'en toutes circonstances, nous nous faisons un film, au sens où il existerait en nous une sorte de cinéma intérieur qui s'apparente au cinéma tout court par de très surprenantes similitudes. L'un de ces chercheurs, fasciné par tout ce que le 7e art peut nous apprendre analogiquement sur nous-mêmes, est devant moi. Il s'appelle Lionel Nakache. Bonjour Lionel. Bonjour Étienne Klein. Vous êtes neurologue à la Salpêtrière, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, professeur de médecine à Sorbonne Université, membre du comité consultatif national d'éthique, et vous venez de publier un livre intitulé « Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience ». Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Non, j'ai l'impression d'être un général soviétique avec toutes ces médailles. Oui, ça prend beaucoup de temps, chacune de ces fonctions prend beaucoup de temps. Alors votre cerveau est-il parfois en repos? Ah oui, mais vous savez, en plus, ça c'est pas directement un des points que j'aborde, mais qui est quand même présent, c'est que la notion de repos dans le cerveau, comme vous savez, est très relative. C'est-à-dire qu'en fait, il se passe toujours quelque chose dans notre cerveau, c'est ça ce qui est intéressant, et qui parfois permet justement d'observer des rebondissements. Quand vous avez le sentiment de vous être reposé, votre cerveau pourrait dire non, je suis pas d'accord. Ouais, ou sans être dualiste, hein, mais qu'en tout cas ces états de repos, ils sont essentiels à tout ce qu'on appelle le non-repos. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a des échanges incessants entre. Donc c'est pas l'apologie de la sieste ou du repos ou du farniente pour le farniente, mais en fait c'est très important, c'est vrai. Voilà. Et est-ce qu'on peut se reposer le cerveau tout en travaillant? Alors, je dirais que le repos fait partie du travail, plutôt. C'est ça que je dirais. Ça peut paraître un peu déconnecté, ce que je dis là, un peu gratuit, mais effectivement, en tout cas, l'alternance de phases de concentration intense avec des phases de relâchement total, eh bien, on a beaucoup de situations dans lesquelles on peut voir que c'est souvent la solution de beaucoup de problèmes qu'on se pose, en réalité. Bon, c'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui, mais vous reviendrez parler du repos, parce que c'est une question qui intéresse tout le monde, et moi en particulier. Et avant de parler de cette affaire de cinéma intérieur, je voulais vous citer une phrase qui a été dite le 2 avril 2013, et je voudrais que vous me disiez par qui, à votre avis. Aïe. Voilà cette phrase. L'humanité est parvenue à identifier des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière d'ici, à étudier des particules bien plus petites qu'un atome, mais elle n'a toujours pas élucidé le mystère de ce kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles. Ça pourrait être Obama, peut-être, non? Eh ben oui, pour la décade Obama. Du cerveau. Non, c'est le jour où il a lancé, Obama, le projet Brain. Brain Project. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que on n'a toujours pas élucidé ce mystère d'un kilo et demi de matière qui se trouve entre nos deux oreilles? À vous lire, on a l'impression que on comprend de plus en plus de choses sur l'activité cérébrale. Oui, on comprend de plus en plus de choses, mais évidemment, c'est pas de la fausse modestie. On est à la fois très loin d'avoir une théorie définitive du cerveau. Et de ce point de vue-là, par exemple, aussi d'échanger avec vous, comme vous le savez, on pourrait dire que les modèles ou les théories, ce qu'on appelle des théories en neurosciences cognitives, on est très très loin d'atteindre la précision et conceptuelle et empirique de ce qu'il existe en physique, par exemple. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'on reste très ignorant. Mais il y a peut-être deux points intéressants. Le premier, c'est que, comme vous l'avez rappelé, on commence néanmoins à révéler, à comprendre des contraintes fondamentales qu'on comprend de mieux en mieux et dont on sait qu'elles devront être justifiées par les théories à venir. Donc, de ce point de vue-là, c'est un vrai progrès. Et en même temps aussi, vous savez, alors je ne sais pas si c'est un peu romantique de dire ça, mais on est encore dans une période où, si vous voulez faire des neurosciences de la cognition, et ça vous intéresse, vous êtes motivé, vous êtes intelligent, eh bien en quelques années, vous pouvez être sur le front de la recherche, même si vous venez de la musicologie, de la philosophie, de la médecine, de la physique, de la sémantique, de la linguistique. Donc il y a un aspect dans les laboratoires. Parce que c'est une science neuve, finalement. Ouais, c'est une science neuve, donc il y a une sorte de profusion d'approches. Et donc ça reste pour l'instant, une science plaisante. Et une science où... on n'a pas besoin de passer par la nécessité d'une maîtrise du formalisme mathématique, de la physique quantique pour arriver à pouvoir dire quelque chose d'intéressant. Non pas que ce soit pas intéressant en physique quantique, au contraire, mais qu'en tout cas on a il y a une période de facilité humaine, en tout cas pour les caméras subjectives de chacun des intervenants, c'est une discipline plaisante. Voilà. Vous avez parlé de caméras, donc ça nous amène. Voilà, ça fait une transition fine. À votre livre qui est en fait écrit un peu comme un scénario de film, on suit un chercheur qui montre comment l'analogie avec le cinéma est en fait intéressante et même assez profonde pour comprendre le fonctionnement du cerveau et mieux préciser ce qu'on appelle le jeu, le jeu JE. Mais vous commencez par d'abord déclarer votre passion pour le 7e art et ensuite par expliquer ce qui se passe quand on regarde un western, Rio Bravo par exemple, et qu'on voit la roue de la diligence tourner à l'envers. Oui. Est-ce que c'est possible de rappeler ce mécanisme assez bizarre qui vaut pour une roue, mais qui vaut moins quand on regarde deux roues différentes? On absolument, y reviendra. Exactement. Alors, c'est vrai, c'est-à-dire que cette métaphore cinématographique, on va le voir ensemble, c'est qu'elle ça reste une métaphore, mais à la fois extrêmement profonde, et elle est fondée sur des phénomènes très proches, et qui d'ailleurs peuvent ensuite nous interroger et nous faire réfléchir, et c'est ce que j'aborde aussi vers la fin du livre, sur les rapports entre le cinéma comme art et le sens de ce cinéma par rapport à la manière de laquelle on perçoit et on pense les choses, etc. Et alors, effectivement, ce livre commence par peut-être ce que moi j'appelle la magie du cinéma. Et je commence par cette provocation un petit peu de dire, bon, qu'est-ce que c'est que la magie du cinéma? Pour beaucoup de gens, la magie du cinéma, dès qu'on les interroge, nous-mêmes, on va évidemment s'ouvrir sur le registre des émotions ineffables qu'on peut ressentir. Et donc, on va décliner un peu nos listes de films favoris, une sorte de septième ciel du septième art un peu. Et en fait, j'arrive à un truc beaucoup plus pratique, c'est de dire que la magie du cinéma, avant tout pour moi, c'est qu'au cinéma, vous percevez un film qu'on ne vous a pas montré à l'écran. C'est-à-dire qu'à l'écran, on vous montre une suite d'images fixes, une suite d'images discrètes, et la perception qu'on en a subjectivement, notre film intérieur lorsqu'on est au cinéma, ce qu'on voit du film, ce n'est pas une succession stroboscopique ou sérielle d'images discrètes, mais on a une intuition de continuité, on voit un film continu. Et donc l'idée, c'est qu'entre deux images qu'on nous a montrées, notre cerveau invente ce qu'il y a entre les deux, et notamment le mouvement. Et la meilleure façon de s'en rendre compte, et c'est pour ça que je commence par ça, on revient à Rio Bravo, c'est que tout le monde a fait cette expérience au cinéma, que parfois, eh bien, la roue d'une diligence, alors que la diligence, par exemple, va de droite à gauche, eh bien, on la perçoit tourner dans le sens opposé. Donc, un peu comme dans le film Matrix, où il y a quelques indices qui vous permettent de prendre conscience que vous êtes dans la Matrix et que vous n'êtes pas vraiment dans la réalité. Eh bien, la roue qui tourne à l'envers, c'est facile de décrypter. Et tous, au collège, au lycée, on a tous été amenés à réfléchir là-dessus. Comment est-ce qu'une roue qui tourne dans un sens, on la perçoit tourner dans l'autre sens? Alors, je ne sais pas si on veut décrire tout le... C'est pas très compliqué, mais ça prend un peu de temps. C'est que entre l'échantillonnage, donc le nombre d'images qui sont prises par seconde par une caméra qui va filmer un mouvement, et la vitesse de rotation d'une roue, eh bien, il y a des situations dans lesquelles, entre deux images, si on considère un rayon de la roue, eh bien, qui, disons que la roue se tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, eh bien, entre deux images, le rayon va donner l'impression de se déplacer effectivement dans le sens prévu par la rotation, et notre... invention du mouvement va inventer des images qui vont du point A au point B. Mais si, par exemple, la roue va trop vite, eh bien, entre deux images, on pourra avoir l'impression, si, par exemple, le premier rayon est vertical et que le deuxième arrive à 11 heures, on aura, par un principe de moindre distance, notre cinéma intérieur va construire le mouvement opposé. Et donc, on va percevoir et on va voir vraiment visuellement une roue qui tourne dans l'autre sens. Et c'est une façon de prendre conscience de la manière de laquelle notre cerveau, notre esprit-cerveau, si on veut l'appeler comme ça, invente ce qu'il y a entre deux images qu'il reçoit de la manière la plus optimale pour lui. Mmh. Et donc ce petit indice de la roue qui tourne à l'envers, c'est une bonne façon pédagogique de prendre conscience que ce que l'on voit au cinéma, ce que l'on voit du cinéma, c'est à la fois les images qu'on nous envoie, mais surtout la reconstruction très active de ce qui se passe entre ces images. Donc il y a une magie de l'image, on pourrait dire, d'ailleurs c'est l'anagramme, mais ce que vous nous c'est dites... C'est l'anagramme. Oui, magie de l'image. Ah. Et en gros, donc, au cinéma il y a 24 images par seconde, donc c'est statique et notre conscience en fait... temporalise cette séquence d'une façon dynamique, un peu comme, on pourrait dire la même chose d'une partition de musique. Les notes sont statiques sur la partition et le fait de jouer ces notes crée une continuité qui devient la musique. Mais je le disais tout à l'heure, quand on regarde deux roues de diligence, comme vous venez de l'indiquer, on en voit une qui tourne à l'envers, dans certains cas, mais pas l'autre. Oui. Ça veut dire que notre attention, elle se projette de façon... très précise, ce qui l'empêche de voir les deux roues en même temps. Exactement, là vous sautez directement à un point très important. Bah, en fait, je vous ai lu. Mais je vois. Voilà, c'est que à la fois quand on file cette métaphore, là on le voit vraiment par exemple, c'est que parce que peut-être aussi pour les auditeurs de bien comprendre le pont, c'est qu'en fait l'étape d'après, mais je reviens tout de suite sur votre remarque, l'étape d'après, c'est qu'en fait une des plus grandes découvertes de ce cinéma intérieur, qui est un peu le point de départ aussi. C'est que ce phénomène de la roue qui tourne à l'envers, on l'a au cinéma, et là on le comprend parce que les images qu'on nous a montrées sont ainsi échantillonnées, et donc on perçoit ça. Mais le point intéressant, c'est que lorsqu'on sort du cinéma, eh bien, ce phénomène existe aussi. Autrement dit, il arrive dans la vie de tous les jours, si vous faites attention, moi depuis que j'ai écrit ce livre, je vois beaucoup de roues de voitures qui tournent sur le périph', sur l'autoroute, dans la rue, etc. Parfois, vous avez ce phénomène qui survient aussi en lumière naturelle, c'est-à-dire cette fois-ci, on ne vous a pas montré un écran, ce qui veut dire qu'en réalité... C'est pas du cinéma, mais parce que vous faites vous-même le cinéma, on revient sur votre expression, c'est qu'en fait, nous-mêmes, nous échantillonnons le monde visuel à une cadence sérielle qu'on reconstruit comme du continu. D'où cette métaphore initiale, cette entrée du cinéma intérieur. Mais pour revenir à ce que vous dites, c'est peut-être une des découvertes les plus importantes, c'est que le cinéma intérieur, il est beaucoup plus complexe que le cinéma tout court. Et une des différences majeures, c'est celle que vous avez pointée, et on doit cette découverte à plusieurs collègues, notamment un collègue toulousain très brillant, Ruffin Van Rulen, pour le citer, c'est qu'en réalité, si on veut parler comme ça, les images que nous échantillonnons de manière discrète dans la vie de tous les jours, c'est pas comme au cinéma l'ensemble de l'image, mais c'est la partie de l'image sur laquelle notre attention se porte. Et donc effectivement, ces phénomènes d'illusion liés au sériel et au continu vont pouvoir se mettre en évidence sur les objets sur lesquels votre attention se porte, et les autres ne vont pas être échantillonnés de la même manière. Mais on n'échantillonne pas comme le cinéma réel. À quelle cadence on voit ? Alors on estime que c'est plutôt à peu près 10-13 selon. Alors c'est évidemment subtil de faire ça, c'est-à-dire qu'on va chercher des signatures. 10-13 images par seconde. 10-13 images par seconde, voilà. Mais images avec ce quote, des guillemets autour de l'image, puisque l'image n'est pas l'intégralité de l'image, mais les parties sur lesquelles notre attention se porte. Et est-ce que cette fréquence varie selon l'âge, selon les individus ? Oui, alors cette fréquence, évidemment, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'informations, mais ce qu'on voit évidemment, c'est qu'elle va varier selon les individus, selon l'âge, selon les circonstances, selon plein de paramètres, en réalité, aussi de fatigue. Donc effectivement, c'est pas à la différence du cinéma où ça pourrait être, disons, du 24 images par seconde, bien que au cinéma, parfois, on utilise d'autres fréquences. Eh bien là, dans la vie de tous les jours et dans le cinéma intérieur, c'est pas une fréquence aussi rigide, absolument. Alors qu'est-ce qu'on appelle le phénomène FI qui a été découvert, je crois, en 1912. Ouais. C'est un très grand psychologue qui s'appelait Max Wertheimer. Et dans sa thèse, souvent c'est comme ça, dans une thèse qui va contenir une idée ou un principe important, il a découvert et il a décrit ce qu'on appelle depuis le mouvement apparent ou le mouvement phi, quoi, la lettre grecque phi. Parce que si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on nous montre deux images successives, on va inventer ce qui se passe entre les deux. Est-ce qu'on peut arriver à vraiment préciser d'une manière plus rigoureuse qui se passe. Et il l'a fait d'une manière extrêmement pure sur le mouvement. Et si on réfléchit vraiment, le mouvement, c'est donc la dynamique temporelle des images, c'est le premier paramètre sur lequel le cinéma intérieur s'applique, mais on verra ensuite qu'il y a beaucoup d'autres effets spéciaux du cinéma. Mais sur l'aspect temporel, il s'est intéressé par exemple à, vous avez deux lampes qui s'allument l'une après l'autre, et qui sont l'une à côté de l'autre par exemple. Eh bien, dans certaines circonstances, certains paramètres de fréquence, quand ça va assez vite, donc quand ça va lentement, vous avez une lampe A qui s'allume, qui s'éteint, la deuxième. Les deux phénomènes sont séparés. Les deux sont séparés et on ne perçoit pas de mouvement. On voit une lampe qui s'allume, une lampe qui s'éteint, une autre. Et dans certaines situations, on va percevoir en réalité le mouvement comme si en fait il y a un déplacement de la lumière de A vers B. Et ce déplacement est tel que ce que l'on perçoit subjectivement, c'est pas uniquement les deux points, le point de départ et le point d'arrivée, mais c'est la trajectoire. Et là, on rentre dans le cinéma intérieur et dans la roue qui tourne, etc. C'est qu'en réalité, on rentre dans la construction de la dynamique. Donc, on nous a c'est-à-dire montré que deux lampes peuvent créer l'impression pour nous qu'une lampe se déplace. Exactement, qu'une lumière s'est déplacée d'un point à l'autre. Ouais. Et c'est suffisamment fort pour avoir conduit en fait à une expérience que j'expose, que je raconte, et dont l'histoire est intéressante parce qu'un des grands philosophes contemporains qui s'appelait Nelson Goodman, un philosophe américain, qui était au courant de ce phénomène apparent et qui réfléchissait d'une certaine manière, même si ça ne s'appelait pas comme ça, cette facette du cinéma intérieur, s'est posé la question suivante. Si dans l'expérience de mouvement apparent de Wertheimer, si par exemple on fait un changement de couleur entre les deux lumières, donc la première lumière, disons, je sais pas moi, est verte, et la deuxième est rouge, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'on va continuer à avoir une trajectoire ? Ou est-ce que, comme les deux couleurs sont différentes, notre cinéma intérieur ne va pas être capable et ne va pas nous donner une impression de mouvement ? Et l'expérience a été faite, donc c'était une expérience de pensée, elle a été conduite quelques années après par deux psychologues, Gruneau et son collègue, et c'est un phénomène que moi-même j'ai étudié au début de ma thèse, fin des années 90. Dans ces cas-là, quand la lumière change de couleur, vous continuez à percevoir le mouvement, mais ce qui est fantastique, c'est que vous percevez le changement de couleur au milieu de la trajectoire. Donc je répète, vous avez du rouge au début, du vert à la fin, mais ce que vous voyez, c'est du rouge qui devient vert, mais il devient vert avant même qu'on vous ait montré le vert. Donc en tout cas, avant même que dans votre perception, vous ayez perçu qu'il y avait du vert. Donc on arrive là dans une sorte de salle de montage. C'est-à-dire que les couleurs ne se mélangent pas. Alors, se mélangent pas, il y a une sorte de gradient, exactement. Il y a une transformation. Donc elles-mêmes subissent ce phénomène de mouvement. On doit expliquer le changement de couleur par une sorte de gradation et qu'on ne nous aura pas montré. Et vous comprenez le mécanisme qui se passe ? Est-ce que c'est lié au fait que notre perception met de la continuité, en fait, colonise le vide qu'il y a entre les différentes images ? En tout cas, c'est comme ça qu'on se le représente. Parce que cette notion d'absence de vide, on va dire, à la fois temporelle et spatiale, on va le voir peut-être après, pour des effets spéciaux, un peu spatiaux. Effectivement, en tout cas, c'est la façon de laquelle on peut le verbaliser, le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout du phénomène, mais c'est comme ça c'est le sens qu'on peut lui attribuer. C'est qu'en réalité, on doit produire, alors c'est peut-être une petite digression, si je peux me permettre, c'est que pour moi, ce genre de choses illustre ce qu'on pourrait appeler les briques élémentaires des fictions. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est pour moi, c'est aussi un des moteurs de ce livre, c'est que vous savez, la notion de fiction, de dire qu'on est des êtres de fiction, des créateurs de fiction, etc. C'est une idée maintenant qui est devenue très populaire. On la voit au cinéma, évidemment, on la voit dans la littérature contemporaine aussi. On la voit aussi même dans des stratégies marketing, dans du storytelling. Donc, créateur de fiction, tout le monde a adopté l'idée. Mais un peu comme au cinéma avec les préquels, donc les films qui nous racontent la généalogie des super-héros, etc., on peut s'interroger, mais d'où viennent ces fictions? Parce qu'on est d'accord, on est prêt à accorder le titre de fiction, d'imagination, de processus actif pour des choses très complexes. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, pour bien comprendre ce que c'est qu'une fiction mentale, il faut revenir aux briques élémentaires. Et les briques élémentaires, elles existent même lorsque vous ouvrez simplement les yeux sur le monde. C'est-à-dire qu'on a une dimension de... qui revient à trouver un sens, à produire une explication subjective. Et par exemple, dans l'histoire du mouvement apparent, on pourrait dire que c'est déjà une mini-fiction. C'est, on me montre du rouge, on me montre du vert, eh bien, je dois trouver une explication à ce changement. Et cette explication, je l'invente en imaginant une trajectoire qui change de couleur au milieu, par exemple. Mais ça veut dire qu'on l'invente presque avant la perception ? Ah oui, bien sûr. Cette étape-là, pour le coup, c'est une fiction non consciente, on pourrait dire. L'interprétation précède le signal, presque. Non. Alors non, parce qu'en fait, évidemment, cette... Parce que vous dites, on voit du vert avant... Oui, avant qu'on perçoive l'autre. Mais en réalité, donc ça, c'est aussi un sujet. C'est que, évidemment, si on vous montre... Si vous n'avez pas la deuxième image, l'image qui a... Donc reprenons l'exemple. On voit que du rouge. Évidemment, vous verrez que du rouge. Et là, on arrive à quelque chose d'assez fou. C'est qu'en fait, donc, un peu comme si vous aviez une table de montage, une première image verte, une deuxième rouge. Donc, on construit une sorte de la dynamique de mouvement, de déplacement entre les deux points, en injectant un changement graduel de couleur. Et ce que nous percevons, nous, consciemment, subjectivement, c'est ce produit fini. Cette sorte de mini-fiction qui a été élaborée dans les coulisses de la perception. Donc, un processus non conscient. En fait, il n'y a pas de mouvement dans ce qui apparaît à la conscience. C'est des images comme au cinéma qui sont discrétisées, comme on dit. C'est-à-dire qu'entre les images, il n'y a finalement pas d'image. Ouais. Et ça veut dire qu'on est capable de coder le mouvement? Est-ce qu'il y a des neurones qui codent le mouvement? Absolument. C'est qu'en fait, on aurait une histoire en trois étapes. Mettons-nous d'accord qu'à l'échelle de la perception, on peut imaginer que la structure du monde est continue. Je sais bien qu'en physique, on peut arriver à avoir des hypothèses fortes sur la discrétisation de l'espace, du temps. À des échelles très petites. Voilà, exactement. Donc, aux échelles qui sont les nôtres, prenons une approximation continue. Donc, on a du continu face à nous. Choses qui bougent en continu, etc. Ou qui sont statiques de façon ou qui sont, durablement permanentes. Voilà. Et puis, on a une discrétisation subjective. Donc, cette étape de cinéma intérieur, c'est qu'en fait, on échantillonne le monde de manière discrète, comme des sortes de captures d'écran... avec les nuances qu'on a apportées tout à l'heure. Mais in fine, on a aussi donc on passe du continu au discret, puis au continu subjectif perçu. Parce que ce que nous percevons, c'est du continu. Et donc, on commence à connaître à la fois les régions cérébrales qui sont sensibles au mouvement, les régions donc qui semblent être importantes pour la discrétisation, et celles qui vont être en charge de l'injection de continuité. Et on le sait notamment soit par des expériences d'imagerie cérébrale, etc., d'enregistrement chez l'animal, avec des outils d'imagerie cérébrale fonctionnelle chez l'homme, mais également, c'est une source importante, par la neurologie. C'est qu'il y a des patients, je pense notamment à une observation qui était fondatrice dans notre domaine, qui était publiée en 83, par le groupe allemand de Ziel, qui est en fait le cas d'une patiente, et on a tous vu des patients qui sont comme ça, qui ont ce qu'on appelle une akinétopsie. Alors ce mot jargon, donc A privatif, kinéto pour le mouvement, donc ces patients-là ne perçoivent plus le mouvement. Ça veut dire que quand on leur présente l'expérience de Max Wertheimer, par exemple, eh bien ils voient toujours une succession de deux images différentes. Ils ne voient plus le mouvement de l'un à l'autre. Et quand ils sont dans la vraie vie, eh bien, leur vie est un peu, entre parenthèses, un peu comme le jeu 1, 2, 3 soleil. C'est-à-dire qu'ils voient une succession d'images fixes. Ils n'ont plus, donc, par exemple, la patiente décrivait très bien que lorsqu'elle devait traverser, donc c'était suite à un AVC qu'elle avait eu ça, lorsqu'elle devait traverser la rue sur un passage des clous, de piétons, eh bien, lorsqu'elle traversait, elle pouvait voir, par exemple, une voiture à 50 mètres, elle la percevait immobile. Et l'instant d'après, elle la percevait beaucoup plus proche, mais sans avoir une impression de mouvement. Comme si elle avait fermé les yeux, qu'on lui fait rouvrir les yeux et qu'elle voit. Et sa vie était une succession d'images fixes. Ah bah oui, c'est très dangereux, bien sûr. Ou quand elle se versait un verre d'eau, elle décrivait très bien que c'était comme une sorte de mini-glacier. C'est-à-dire qu'elle voyait juste quelque chose d'immobile. et qui avait comme un aspect glacé de figé. Et cette patiente, pour revenir à votre question, elle avait des lésions dans les deux hémisphères, heureusement c'est très rare, qui touchent une région, en tout cas un réseau cérébral qu'on appelle l'RV5, qui est très importante pour, justement, l'injection de continu dans ces images discrètes qu'on saisit du monde. Quand on vous lit Lionel Cash, on apprend beaucoup de choses. Là, on a un petit échantillon. On apprend aussi du vocabulaire. Akinétopsie, oui. Il y a un autre mot qui m'a beaucoup plu, palinopsie. Palinopsie. C'est quoi ça? Eh bien, c'est la persévération. Ce sont des patients, et c'est assez fréquent, qui vont, par exemple, si je suis en train de vous voir, voir votre tête, mais votre tête dupliquée à différentes positions dans l'espace qu'elle aura occupé, ou dans mon regard. Et donc, plutôt que de voir votre tête bouger, ou moi qui bouge par rapport à votre tête, on va voir une succession d'images. Donc la palinopsie, c'est ça, c'est la persévération visuelle, on l'appelle également comme ça, c'est la duplication du même élément à différentes positions dans le champ visuel, comme si ça surimpose sur un écran, vous voyez. Alors vous parliez tout à l'heure, Lionel Lacache, du fait que quand on regarde une image ou un film, par exemple, notre attention se porte toujours sur une partie de l'image, de sorte qu'il y a une sorte de biais là qui est en fait organisé par l'attention. Oui. Et l'attention, est-ce qu'elle est provoquée ou subie? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'image qui attire notre attention, comme on dit, ou est-ce que c'est notre cerveau qui... Les deux? Il y a les deux, et c'est ça. J'aime pas ces réponses quantiques-là. Ah oui, mais ça, c'est votre problème avec le quantique, mais on est loin du quantique, nous. Mais ce que je veux dire par les deux, et c'est aussi une idée forte du livre, c'est que dans cette théorie que je développe, on la découvre par la perception. Donc là, on voit, dans ce qu'on vient de discuter ensemble, les premiers mécanismes de ce que j'appelle le cinéma intérieur, par la montée du monde en nous, on pourrait dire. Mais tout l'objet aussi du livre va être de montrer que, un peu comme en physique où on aime bien unifier des phénomènes qui semblent au début différents, l'électricité, le magnétisme, et on comprend que c'est la même chose, etc. Eh bien là, on a quelque chose d'assez similaire, c'est qu'en fait, la perception et l'imagination, par exemple, quand on ferme les yeux, qu'on imagine une image, etc., une vache dans un pré ou autre chose, que sais-je, eh bien pendant très longtemps, on s'est dit, est-ce que on parle de la même chose? Est-ce que vraiment il y a une sorte de mécanisme mental commun, et donc cérébral aussi commun? Ou est-ce qu'en fait c'est une sorte de nominalisme? On utilise le même mot d'image pour des choses qui n'ont rien de commun. Et comme vous le savez mieux que moi, c'est même ça traverse la philosophie, cette discussion. Et le point intéressant, c'est que cette théorie du cinéma intérieur, elle permet d'unifier la perception et l'imagination, et le rêve, et les hallucinations, et la mémoire, et en fait, comme vous l'avez dit, la conscience. Donc on peut avoir un modèle assez général, et pour revenir à votre question précise, eh bien ce cinéma intérieur, il se joue dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a du bottom-up, c'est-à-dire que ça peut monter en nous, et donc dans ce cas-là, l'attention, elle peut être capturée par des éléments qui sont extérieurs. Un chien qui aboie, eh bien vous allez focaliser votre attention sur cette scène visuelle, sur cet objet visuel. Mais inversement, vous pouvez aussi générer l'image de l'intérieur, du top-down. L'extrême, c'est le rêve, on pourrait dire. Et dans la vraie vie, même dans la perception, on a les deux directions du cinéma intérieur. Donc les images montent en nous en capturant notre attention, mais nous aussi, en permanence, on alloue notre attention aussi pour des raisons volontaires, descendantes, à certains éléments. Donc il faut imaginer, et donc c'est pour ça qu'on arrive à un cinéma assez complexe, c'est que c'est pas simplement qu'on est alimenté par ce cinéma, mais nous-mêmes, on va chercher ce qui nous intéresse dedans, en réalité, en permanence. Ah, si je comprends bien ce que vous disiez il y a deux minutes, quand je pense à une vache dans un pré... Oui. C'est le même type d'image que celui que je perçois quand je vois une vraie vache dans un pré. Oui, alors c'est le même type. Surtout, c'est les mêmes mécanismes mentaux, donc les mêmes propriétés psychologiques et cérébrales. Donc je ne peux y penser que si j'en ai vu une. Absolument. Ça, c'est pas un scoop. C'est le point de vue d'ailleurs qui est intéressant, même, je pense, même pour des historiens. Quand vous interrogez ou quand vous lisez, par exemple, des récits de cosmogonie ou des récits complètement imaginaires de chaque époque, où souvent on met au pinacle, on dit « Ah oui, l'imagination, c'est fantastique !» Moi, j'aime beaucoup l'imagination, hein, comme tout le monde. Mais l'imagination, elle est très contrainte par la perception, par la réalité. Donc, alors, en général, comment ça se passe pour une personne qui est aveugle de naissance? Eh bien, c'est une très bonne question. Premier élément, peut-être, pour répondre, c'est qu'une des manières qui nous a permis de comprendre qu'en réalité, il y a vraiment des liens profonds dans les deux, c'est que des personnes qui, suite à une lésion cérébrale, ne perçoivent plus que la moitié du champ visuel, donc par exemple ne perçoivent plus ce qu'il y a sur la partie gauche ou la partie droite, eh bien plusieurs collègues ont montré que leurs images mentales imaginées subissent le même phénomène. C'est-à-dire qu'en réalité, donc une façon subtile de le faire, parce que si on demande simplement aux gens de décrire leurs images, c'est difficile de savoir, mais il y a une façon qui va, je pense, vous intéresser, et je crois qu'elle était aussi, que je l'avais citée dans ce livre, c'est un chercheur américain qui s'appelle Stephen Koslin, qui avait développé ces manips magnifiques, il y en a plein. C'est si on vous demande, par exemple, d'imaginer une vache, on vous dit, voilà, imaginez une vache qui fait 2 mètres, que vous voyez de profil, vous êtes dans un champ. Donc on demande, les gens, donc le volontaire a les yeux fermés, il dit voilà, c'est j'imagine, j'ai devant moi la vache, elle fait 2 mètres, etc. Et vous lui dites maintenant, donc vous êtes à 10 mètres de la vache à peu près, vous allez vous rapprocher. Vous vous rapprochez, et vous vous rapprochez de la vache jusqu'au moment où vous pouvez voir encore sa queue et sa tête. Et si vous faites un pas de plus, ben, vous avez une partie de l'image qui est amputée. En fait, il faisait faire de la trigonométrie mentale au sujet. Et une fois que le sujet vous dit « bah ouais, ça y est, là, je vois la vache, ça y est, elle remplit mon champ visuel », il posait la question « à quelle distance êtes-vous de la vache ?» Donc on peut vraiment calculer l'angle mental de perception. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de demander au sujet « est-ce que c'est différent dans cette situation ou pas ?» Et quand vous faites la même chose, et ça c'est Martha Farah qui avait fait ça, à un patient qui vient d'être opéré pour une tumeur, on lui enlève une partie du cerveau qui fait qu'il va percevoir la moitié du champ visuel, et bien dans ses images mentales, il a besoin d'être deux fois plus loin pour voir la vache. C'est-à-dire qu'on a vraiment la restriction de l'angle visuel. Donc, et ensuite, l'imagerie cérébrale a montré que quand vous imaginez, non seulement vous sollicitez les régions de la perception, donc vous revenez, là on redescend jusqu'au niveau, c'est ce que je disais tout à l'heure, le phénomène descendant, et également qu'on peut même commencer en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle, on peut commencer à décoder des attributs de l'image mentale imaginée en lisant l'activité de la région de la perception. Donc qui montre vraiment que perception et imagination utilisent ce cinéma intérieur. Alors ça, c'est, je vous ai répondu partiellement, parce que je ne parlais pas d'aveugles congénitaux. Mais c'est quand même incroyable, parce que on a l'impression que ce que vous dites là correspond à une sorte de découverte philosophique négative, c'est-à-dire que vous avez presque résolu un problème qui a opposé les philosophes. Oui, alors quand on dit vous avez résolu, c'est évidemment c'est collectivement. Et donc on a beaucoup d'échanges avec des collègues philosophes. Et puis évidemment, comme je le disais tout à l'heure, sans fausse modestie, et vous le disiez vous-même, il y a un progrès incroyable. Et que cet élément-là, évidemment, que je pense qu'aujourd'hui, quand on fait de la philosophie de l'esprit, il faut connaître les neurosciences de la cognition. C'est un peu comme à l'époque d'ailleurs de Kant ou d'autres qui s'intéressaient aux connaissances de l'époque dans ces domaines-là. Et puis, il y a des échanges à tisser. Alors, dans ce débat philosophique qui m'intéresse aussi, vous aviez des gens comme Hume, l'Écossais, qui disait déjà, en fait, quelque chose d'assez proche. Mais il disait, lui, qu'en réalité, les images de l'imagination, en gros, ont la même essence que celle de la perception, mais elles sont moins intenses. Et ce qui est vrai, d'ailleurs, en réalité, même dans manière phénoménologique, hier encore, je voyais un patient qui avait des hallucinations visuelles. Quand vous interrogez bien les personnes sur les hallucinations, souvent, l'essence de la perception n'est pas exactement la même de l'objet halluciné. Et même, quand bien même la personne n'est pas capable d'exercer un esprit critique pour dire « ça n'existe pas », quand il vous le décrit, il vous décrit quelque chose qui est souvent moins intense, moins vivide qu'une image réelle, mais néanmoins qui sollicite le même mécanisme. Donc effectivement, ce sont je dis pas qu'on a résolu complètement cette question, mais que cette théorie du cinéma intérieur, en tout cas, elle vient comme candidate pour bouleverser un petit peu le débat. Parce que David Hume, il parlait pas de cinéma, et pour cause, mais il dit la fable de la vie est de construire un lien d'habitude, une corrélation entre nos impressions discontinues. Oui. Donc il y a exactement cette idée. Le même type. Je connaissais pas cette citation de Hume. Mais pour un aveugle de naissance, oui. En quoi votre raisonnement tient-il encore ou ouais. Comment faut-il l'adapter? Si, alors il tient, et là où il faut l'adapter, et c'est un point vraiment sympathique, il y a un côté un peu polyphonique comme ça, c'est que là on commence par la vision. Mais évidemment, le cinéma intérieur, une fois qu'on commence à le développer, à l'ouvrir, à l'enrichir, on va voir qu'il s'applique également aux autres modalités sensorielles. Et un des éléments importants, c'est que lorsqu'on n'a jamais vu, non pas pour un problème cérébral, mais pour un problème visuel oculaire. Par exemple, des cataractes congénitales, des choses comme ça. Donc le cerveau est intact, en réalité, n'a pas de lésion cérébrale. Et donc la question s'est vite posée de savoir que deviennent ces territoires dévolus à la vision, normalement. Et une des grandes découvertes, vous savez, c'est que ces réseaux cérébraux sont réinvestis notamment par d'autres modalités sensorielles. Et notamment par le toucher. Et donc ça, c'était déjà connu, mais la démonstration, elle date des années 80, 90, par l'imagerie cérébrale fonctionnelle. Donc il faut prendre le mot perception au sens le plus large. Au sens le plus large, qui utilise toutes les modalités sensorielles. Et du coup, ce cinéma intérieur s'applique également aux autres modalités sensorielles que la vision. Alors la vision, c'est notre sens le plus développé, et c'est celui peut-être sur lequel la notion d'image porte le plus. Mais cette notion de représentation de l'objet extérieur, elle s'applique, vous l'avez dit, pour la musique, donc pour des stimuli acoustiques de différents niveaux, mais également pour le toucher, pour l'olfaction, pour le goût, etc., voire même pour l'équilibre. Et donc ce cinéma intérieur, il touche toutes les sensorielles, toutes les modalités sensorielles. Vous parlez de musique, vous parlez de cinéma, c'est le moment d'écouter un morceau de musique que vous avez choisi, et vous avez choisi une musique de film. Mais oui. Ennio Morricone, la musique de ce chef-d'œuvre, on peut l'appeler comme ça, mais oui. Sergio Leone, qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Truand. Et le Truand. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Lionel Nakache, vous avez choisi un extrait de la musique du film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, écrite par Ennio Morricone, récemment disparu. Ouais, c'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Alors, c'est pas un hasard à plusieurs égards. Le premier, d'abord, c'est presque autobiographique, si on veut appeler ça comme ça. C'est qu'en fait, pendant que j'ai écrit ce livre, je suis passé d'un registre musical à l'autre. C'est-à-dire que j'écoutais comme la musique de Lully, mais de manière absolument addictive. Lully, je pense que c'était parce que je voulais rester au XVIIe siècle français. Mon dernier livre s'appelait « Nous sommes tous des femmes savantes » dans lequel j'étais plongé dans cette époque. Donc j'étais resté sur du Lully et imperceptiblement, je me suis rendu compte que je me suis mis à écouter les bandes-sons des films de Sergio Leone, donc cette musique géniale d'Ennio Morricone. Donc d'abord, c'est ça, la raison, c'est que c'était la bande-son originale de mon film intérieur pendant que j'écrivais le cinéma intérieur, une sorte de mise en abîme. Mais ce qui m'a aussi surpris, c'est que quand on pense, vous voyez cet extrait là, du Bon, la Brute et le Truand, là où vous avez, tout le monde a vu ce film, c'est l'aspect très fantastique du cinéma, très populaire. Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach, on les voit dans ce duel à trois là. Et souvent, moi, ce qui m'interpellait en écrivant ce livre aussi, c'est que ces duels, on s'en souvient très bien. On voit l'alternance des gros plans sur les figés, sur les visages, des sortes de duels existentiels, éternels, suspendus dans le temps. Et au bout d'un moment, on ne sait même plus pourquoi ils sont, pourquoi ils veulent se tirer dessus. On ne sait plus qui est le bon. Ils sont là, quoi. Et du coup, je me disais, le truc dingue, c'est que ce qui nous reste, c'est ça. Et qu'en écrivant ce livre, je me disais, oui, en fait, d'une certaine manière, il y a une sorte de leçon philosophique. C'est dans la fin des fins, la fin des choses, c'est qu'en fait, c'est ton cinéma intérieur ou le mien. Ça peut pas être les deux en même temps. En nous renvoyant ça, il nous renvoie aussi, du coup, une dimension aussi de ce message. Comme une prise de conscience. En fin de compte, même si on est des chic types tous, on sait bien qu'on a chacun notre cinéma intérieur. Donc ce clin d'œil-là, moi, me plaisait, évidemment, et pour cette musique d'Ennio Morricone que je trouve assez inspirante. Magnifique explication, mais ce cinéma intérieur, est-ce qu'il y a une critique possible? C'est-à-dire que, on a chacun le sien, comme vous dites, et est-ce qu'on peut, à partir de ce qu'on perçoit, à partir de son propre cinéma, discuter avec quelqu'un d'autre de son cinéma à lui et voir si ça coïncide, s'il y a une critique possible. Est-ce qu'on peut être conscient qu'on est dupe du réel, par exemple? Je pense que oui. Je répondrai en deux étapes. La première, c'est que à partir du moment où vous prenez conscience de cette dimension de construction active de ce que vous percevez de votre, appelons-le le cinéma intérieur. Ce qui est intéressant dans le cinéma intérieur, c'est cette version actuelle, mais l'idée, elle préexiste évidemment. L'idée, on peut être humaniste sans avoir lu ou connaître les neurosciences ou connaître le cinéma intérieur. Mais donc, quand vous avez conscience du cinéma intérieur, savoir, en fait, c'est ma condition. C'est comme ça que je perçois le monde, que je me perçois moi-même, c'est à travers une construction. Eh bien, ça m'empêche pas de procéder ainsi, c'est-à-dire que c'est ma condition humaine, donc je peux pas y échapper. Mais savoir que c'est comme ça que je procède, c'est ce pas de côté, ce que j'appelle un pas de côté, qui permet d'être une des briques possibles de l'échange et de la tolérance. Même vis-à-vis de soi-même, du soi-même qu'on est, qu'on a été, etc., et des autres. Donc il y a une brique de tolérance. Parce qu'on est conscient de sa subjectivité, entre guillemets, donc on n'a pas le droit de l'imposer à d'autres. Oui, c'est qu'on n'a pas le droit de l'imposer à l'autre. Et puis, la deuxième facette, ce qui me semble important, c'est que parfois il y a des clivages ou des pièges un peu dualistes, etc. C'est qu'il ne faut pas oublier que ce que j'appelle ces fictions, et donc les produits du cinéma intérieur, ils font partie du réel. C'est-à-dire qu'ils sont pas en dehors du réel. La personne que je perçois de vous, telle que je me la représente, c'est pas quelque chose qui n'existe pas dans le monde. C'est-à-dire que la représentation que j'ai de vous, la représentation que j'ai de vous, elle fait partie de on peut l'appeler le monde, la réalité, en tout cas de la réalité. Et d'ailleurs, elle va avoir des conséquences sur la réalité. C'est-à-dire que la façon de laquelle je pense et je crois des choses va avoir comme conséquence des actions que je vais réaliser au nom de ces fictions. On l'a peut-être pas dit, mais pour moi, une fiction, c'est pas quelque chose de faux. Ce que j'appelle une fiction, c'est une construction mentale dont la finalité est de faire sens. C'est-à-dire qu'en fait, son essence, si on voulait plutôt que la finalité, c'est que c'est une signification subjective. Alors parfois, nos fictions, elles sont très bien contraintes par la réalité extérieure, si on veut l'appeler comme ça, et elles sont assez correctes. Donc une fiction n'est pas nécessairement incorrecte. Mais une fiction fait sens. C'est le sens que les choses ont pour nous, quoi. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il s'agit en fait d'une co-construction, comme dit certains, absolument, entre le réel et votre vous-même? Oui, je crois que je dis quasiment ça. Je parle d'une co-création entre Et le médiateur, c'est ce cinéma intérieur, ce qui est à la fois l'écran, la caméra. Voilà, c'est absolument, et c'est l'autre point qui me semble essentiel, et j'y consacre aussi une partie du livre, c'est que pour échapper à des pièges dualistes, c'est que on a un collègue américain, Daniel Dennett, un philosophe américain contemporain, très important à mon sens, qui dénonçait ce qu'il appelle le piège cartésien, et qu'on peut appeler aussi le piège de la salle de cinéma. C'est d'imaginer votre pensée comme si ce que vous percevez du monde, c'est comme s'il y avait en fait en vous quelque chose qui reconstruit les choses, mais que vous n'êtes pas là. Donc vous avez une duplication, une régression à l'infini, où pour vous arriver à voir ce que des régions cérébrales ont représenté, il faut que vous ayez à nouveau une nouvelle région cérébrale qui va re-représenter, et à l'infini, et donc ça revient in fine à faire un dualisme, à imaginer que vous, c'est pas vraiment ce qui se passe là. Et bien dans le cinéma intérieur, on peut échapper à cette critique, parce qu'en fait, ainsi que je le montre et que je l'explique, Au cinéma intérieur, on est non seulement le spectateur, mais on est également le réalisateur, le producteur, le monteur et même l'acteur, parce que le personnage principal du film, c'est vous, ou c'est moi, ou c'est caché chacun, c'est nous pour chacun. Ça fait un casting économique. Un casting économique, voilà, narcissique. Lionel Nakache, moi quand j'étais lycéen ou collégien, je ne sais plus, on m'avait expliqué que dans la rétine, il y a les cônes et les bâtonnets. Absolument. Qu'est-ce qu'on verrait si on voyait ce qu'il y a sur la rétine ? Simplement, c'est voilà. Sans qu'il y ait une lecture directe. Voilà. De ce qui s'imprime sur la rétine. Exactement. Et votre question, c'est ce qu'on présente aussi aux étudiants au début des cycles de neurosciences. C'est qu'en fait, l'image qui est sur la rétine, si on veut représenter, voir à quoi elle ressemble, en fait, elle ressemble à quelque chose qui a très haute résolution au centre du, donc vous fixez, il y a une scène visuelle, vous fixez le centre de la scène visuelle. Eh bien, l'image que vous avez sur la rétine de cette scène visuelle, c'est quelque chose qui a très haute résolution sur à peu près 2 degrés autour du point de fixation et qui est en couleur, avec une riche résolution des couleurs également. Et plus vous vous éloignez sur les côtés, il y a une sorte de gradient avec une résolution de l'image qui est de moins en moins précise, de plus en plus floue et avec des champs récepteurs qui sont de plus en plus larges, donc c'est-à-dire des neurones qui ne sont pas capables d'avoir une résolution très précise. Et la couleur qui était extrêmement riche au centre va commencer progressivement à se dégrader, si bien que sur la périphérie, il n'y a que très peu de cônes. Du coup, ces neurones qui sont sensibles à l'information de couleur. Et là, si on veut rentrer dans l'aspect technique, ces cellules ont des champs récepteurs. C'est-à-dire qu'en réalité, donc s'il y a un grand ciel bleu sur le côté, il restera encore un cône sur le côté pour coder du bleu. Mais dès lors qu'il s'agirait de coder la richesse des couleurs de vos vêtements ou les miens, eh bien là, il n'y a plus personne sur le champ. Donc, pour revenir à votre question, on devrait voir en gros, en couleur et très précis au centre, et quasiment en noir et blanc et très flou sur les côtés. Et c'est le fait est qu'on ne perçoit pas comme ça. Ce qu'on perçoit est beaucoup plus riche. Et oui, et du coup, la comparaison entre l'image de la rétine et l'image que subjectivement on perçoit donne à voir tout ce qui a été co-créé par votre cinéma intérieur. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à reconstruire justement ? Quels sont les mécanismes par lesquels le cerveau crée de la continuité, de la couleur aussi, absolument, d'après ce que vous dites, exactement, et donne ce que vous appelez une impression de d'uniformité, une illusion de complétude aussi. Absolument, c'est qu'on a, c'est beaucoup de questions. Évidemment, je les aborde toutes dans le livre. On peut dire les choses suivantes, c'est qu'en réalité, il y a plusieurs effets spéciaux qui vont être mis à contribution. Certains, par exemple, qui vont utiliser l'historique de vos mouvements. C'est-à-dire que quand vous voyez une scène visuelle, vous n'êtes pas en général statique et immobile, mais nos yeux ne cessent de bouger, faire ce qu'on appelle des saccades, des petits mouvements visuels. Autrement dit, quelque chose qui était au centre de votre champ visuel, dans l'instant suivant, est en périphérie, et vice-versa. Et donc, par ces sortes de snapshots progressifs, successifs, vous pouvez avoir reconstruire une sorte de stabilité de l'image en colorant ce qui maintenant est en périphérie sur la base de ce que vous connaissiez de cet objet lorsqu'il était fixé au centre. Et plus fort que ça, donc vous avez beaucoup d'effets spéciaux de cette nature, vous avez au sommet de ces phénomènes ce que j'appelle l'illusion de complétude visuelle, qui est la plus importante, et à laquelle je consacre beaucoup d'expériences, d'explications et de théorisation de ce que ça veut dire. C'est qu'en réalité, quand on ouvre les yeux sur le monde, à la fois on a l'impression de voir tout de manière uniforme et riche, donc c'est une sorte... Mais on a également l'impression, voilà, on a l'impression de tout voir. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'il y a des éléments qu'on n'a pas perçus dans la scène visuelle. Alors que, de manière étrange, c'est très facile au laboratoire de montrer que même là, lorsqu'on est en train de se regarder tous les deux, je ne prends conscience que de très peu d'éléments de la scène visuelle. Mais au lieu de me dire, on pourrait imaginer un scénario où ben, je prends conscience de quelques éléments et tout le reste, je suis dans l'ignorance. Eh bien, dans le reste, j'ai l'impression de voir ce qu'il y a, alors que je ne l'ai pas vu. Et cette impression, on peut commencer à la creuser. Et j'expose cette théorie qui permet de montrer comment, sur la base de ce qu'on voit vraiment, consciemment, et sur la base de nos connaissances ou de nos croyances sur la structure du monde, on invente quelque chose qu'on ne nous a pas montré et qu'on pense, du coup, connaître parfaitement. Et on peut nous mettre... Il y a peut-être une expérience qui pourrait être assez amusante. Je ne sais pas si on a le temps de la raconter. On a le temps. C'est, je pense, une des expériences les plus riches qui a été faite par McConkie et Rainer dans les années 70, dans un papier de Nature, notamment, une série d'articles. La chose est la suivante, et on l'utilise au laboratoire avec mes collègues aussi, Cécile Lémon et Tal Sedel-Malkinson. On a refait une variante vraiment amusante aussi, qu'on a publiée cette année. L'expérience est la suivante. Oui, elle est très intéressante et très, très intrigante. Très intrigante. On n'arrive pas à y croire. On n'arrive pas à y croire. Moi, je vous ai fait confiance. Bah oui, et puis je donne une sorte de version statique qui permet de voir à quoi ça ressemble. Oui, on peut le vérifier par soi-même. Oui, absolument. Alors, l'expérience est la suivante. C'est qu'on vous montre sur un écran une page de texte, soi-disant pour l'instant. Donc, imaginons que vous ayez un... Comme ça se fait tous les jours, voilà. Et on vous demande de lire simplement ce qu'il y a à l'écran. Et la seule astuce qu'il y a, c'est qu'on vous met des électrodes autour des yeux pour enregistrer les mouvements oculaires et donc pour savoir quelle est la partie de l'écran que vous êtes en train de regarder. Et on utilise donc un paradigme assez sophistiqué, un peu du cinéma dans le cinéma intérieur, c'est que, en fait, ce qu'on vous montre à l'écran, ça dépend de là où vous regardez. Et en temps réel, on change l'affichage à l'écran selon la position de vos yeux. En anglais, on appelle ça de high contingency paradigm, un paradigme contraint. Donc il y a à l'écran que ce que vous êtes en train de lire. Alors voilà, en fait, donc vous avez mis le point sur le point important, le doigt sur le point important, c'est qu'en fait, on vous dit qu'on vous montre une page de texte. Mais ce qu'on vous montre, c'est que l'endroit de la page que vous êtes en train de fixer, on vous montre vraiment les mots qui sont écrits. Là où vous, et puis sur la ligne au-dessus et la ligne d'en dessous, par exemple. Mais tout le reste de la page est plein de X, juste la lettre X. Et l'astuce, c'est que quand vous faites un mouvement pour aller, vous lisez de gauche à droite, donc vous avez lu les premiers mots et vous faites votre petite saccade, là il y a un phénomène qu'on n'a pas encore expliqué, phénomène de suppression saccadique, c'est un cut au montage du film du cinéma intérieur qui survient tout le temps, c'est que quand on fait une saccade, il faut imaginer que sur la rétine, ça fait une sorte de grand bouleversement, tout chavire. Eh bien, pour qu'on n'ait pas cette sensation, probablement, en tout cas, c'était sans doute un mécanisme sélectionné de manière évolutive, eh bien, nous ne percevons pas ce chavirement, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe sur nos rétines, qui survient juste pendant la saccade, pendant les 0,2 seconde qui suivent un mouvement oculaire, c'est coupé. Donc on ne l'a pas. Ce qui veut dire que pour cette expérience-là, mes collègues avaient la possibilité, s'ils faisaient un peu à la Mission Impossible, qui travaillait très vite, ils pouvaient changer l'affichage à l'écran pendant 0,2 seconde sans que la personne ne s'en rende compte. Et donc maintenant on a tous les ingrédients pour comprendre l'expérience. On vous dit qu'il y a une page de texte, mais en fait on ne vous présente que les quelques mots que vous êtes en train de lire, tout le reste c'est du X. Et quand vous bougez la page, vous bougez le regard, on vous montre les nouveaux mots, là où ils sont. Et on a mis à jour tout le reste avec des X à nouveau. Donc ce que vous venez de lire, c'est transformé en X. Et quand on interroge les gens, on dit « qu'est-ce que vous faites ?»« Ben oui, je vois une page pleine de textes. » Et les gens n'ont pas l'impression de dire « je vois des mots et le reste, c'est des X partout. » Ils ont l'impression, la croyance... C'est ça que vous appelez l'illusion de complétude. C'est l'illusion de complétude, oui, absolument. Et ça, c'est une des manières de la découvrir. Et il y a d'ailleurs des situations dans lesquelles elle est mise en échec, des situations neurologiques, là encore. Mais elle est puissante parce qu'elle nous permet de montrer comment... Et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on pourrait dire que la vie mentale a horreur du vide ou du néant. C'est-à-dire qu'en fait, on va toujours produire une explication et une signification des choses et un scénario possible. Et là, ça me semble extrêmement important parce que si on veut comprendre vraiment l'essence des fictions mentales, mais dans les fictions qui abordent des aspects les plus abstraits, des croyances des gens, des opinions, etc., je pense que pour vraiment comprendre ce que c'est que cette machine à fictionnaliser le monde et le réel, avant de se cantonner uniquement aux aspects les plus abstraits ou les plus complexes, il faut bien en comprendre la généalogie, les origines, et que cette machine à fictionnaliser qui nous caractérise, elle existe même dans les aspects les plus triviaux, les plus élémentaires de la perception. Mais qu'évidemment, elle se propage avec des niveaux beaucoup plus complexes. Mais est-ce que c'est pas la question de la réalité qui est posée là? Parce que si on pouvait faire l'inventaire de tous les biais perceptifs dont vous parlez, il y en a beaucoup d'autres dans votre livre qui sont passionnants, est-ce que, en tenant compte de ces biais, en les éliminant en quelque sorte, on pourrait dire ce qu'est le réel? Je suis pas sûr. En tout cas, je suis pas sûr d'avoir une réponse à cette question. Je rappellerai juste que, comme je disais tout à l'heure, je pense que ces fictions, elles font partie du réel. Elles font partie du réel. Pour moi, elles ne sont pas à côté. Donc, elles sont une partie de la réalité. Ça, c'est une évidence. Et l'autre chose, c'est que prendre conscience de cela ne permet pas de s'en libérer. Et je ne crois pas que ce soit en soi, d'ailleurs, quelque chose de souhaitable. L'idée, c'est simplement de mieux se connaître. En fait, une sorte de résonance, c'est aussi un point que je trouvais, pour moi, éclairant quand j'écrivais ce livre. C'est que la maxime un peu socratique de « connais-toi toi-même », on peut l'entendre de différentes façons, mais je trouve qu'il y a une manière qui est connaître toi-même comme objet, mais toi-même comme acteur de connaissance. C'est-à-dire qu'en réalité, essayer de savoir soi-même comment on fonctionne. Et donc ça veut dire appliquer au cinéma intérieur, prendre conscience soi-même de ce cinéma intérieur qui caractérise ce soi-même, c'est pour moi non pas une façon de s'en libérer, mais c'est une façon de mieux se comprendre et de mieux fonctionner avec. En fait, d'introduire du jeu, mais cette fois-ci du J-E-U, quelque chose de ludique, de pouvoir avoir une certaine distance subjective à nos propres représentations de nous-mêmes et du réel. Et on revient sur ce message de tolérance que vous évoquiez tout à l'heure, sans en faire une tarte à la crème, mais simplement de dire que si on veut vraiment prendre au sérieux ce qui n'est pas dans un duel existentiel du « c'est ton cinéma intérieur ou le mien », pour arriver, il faut déjà comprendre qu'il s'agit effectivement d'un cinéma intérieur. C'est-à-dire que ce que je pense du réel fait partie du réel, mais c'est ma représentation à moi de ce réel. Mais ça ne va pas empêcher de prendre le réel au sérieux. Ah non, au contraire, je dirais. Au contraire, voilà. Au contraire, bien sûr. Mais vous parlez, on ne va pas donner tous les exemples que vous citez dans votre livre, ils sont passionnants, mais il y en a un qu'on ne peut pas passer sous silence. Vous parlez d'une découverte qui a été faite par un jeune neuroscientifique américain, George Sperling, en 1960, et vous dites que ce qu'il a découvert là n'a été compris que 40 ans plus tard. Oui, c'est fabuleux parce que c'est... Alors, cette découverte-là, je ne vais peut-être pas la détailler tout de suite, mais ça s'appelle la mémoire iconique, et on pourrait dire que c'est la première expérience qui permet vraiment de mettre en évidence cette complétude visuelle dont on parlait tout à l'heure. C'est la première expérience qu'il a montré. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, un peu comme ce qu'on disait pour Max Wertheimer tout à l'heure, qui dans sa thèse, en fait, sa thèse en 1912, il publie, en fait, et il découvre le mouvement apparent, avec tout le succès de l'importance scientifique et même sociétale de cette découverte. Sperling, il a 25 ans, il publie cet article en 1960, et 1960, on est encore dans une période, je suis pas historien des sciences, mais vous savez, les rapports de la science avec la conscience, c'est très complexe, il y a des mouvements de penduliers, vous avez des périodes fin 19e, où vous avez vraiment une approche très très psychologie expérimentale du fait de conscience, et puis qui ensuite va complètement basculer vers une sorte de behaviorisme dans lequel on va chasser la conscience, c'est-à-dire c'est du subjectif, la science ça ne peut pas dire quoi que ce soit sur le subjectif, donc on le chasse, et je pense que dans cette mouvance-là, sans être caricatural, en 1960, faire un article de psychologie en parlant de la conscience subjective et tout, c'était pas possible. Donc il n'y a pas le mot conscience dans l'article du tout. Mais la découverte de la mémoire iconique... C'était une forme d'autocensure ? Je sais pas, il faudrait demander à Sperling, qui est toujours en vie, hein, je pense pas. Je pense que même simplement mentalement, en tout cas, c'était une façon de traduire le problème, mais dans un autre registre, un peu dans d'autres termes. Mais qu'en fait, quand vous vous intéressez, et dans les années 70-80, on se rend compte qu'on peut réopérationnaliser une étude scientifique de la conscience. On peut étudier objectivement du subjectif, c'est ça l'intérêt. Et à ce moment-là, eh bien, on voit réapparaître cette découverte de 1960, qui était une découverte importante, hein, sur la mémoire iconique, mais dans le champ des sciences de la conscience et des théories contemporaines de la conscience. Donc Sperling, c'est une expérience, c'est peut-être la plus grande expérience sur la complétude visuelle. Donc cette impression de croire voir tout ce qu'il y a devant nous, alors qu'en fait, on n'en voit qu'une infime partie, en inventant ce que l'on ne voit pas sous un format différent. Et c'est ça ce que je creuse et que j'explique, oui. Je disais tout à l'heure qu'on apprend des mots étranges en vous lisant Lionel Akash, notamment cette affaire d'hallucination hypnopompique. Oui. C'est quoi ça? On décrit les hallucinations hypnopompiques et hypnagogiques. Alors c'est vraiment du jargon médical parce que ça semble très compliqué. Alors ça donne pas envie de l'avoir en tout cas. Non, mais tout le monde l'a et c'est pas grand chose. C'est quelque chose de normal, surtout heureusement, de sain, de physiologique. C'est que très souvent, pas systématiquement, mais lors des phases d'endormissement et de réveil, on peut avoir justement des phénomènes qui se rapprochent un peu d'hallucination, une sorte de rêve éveillé. On commence à avoir des scènes qui sont un peu à mi-distance, qui sont plutôt du registre de l'imagination ou de l'imagerie mentale que de la perception. Donc en gros, on veut parler de ces moments où vous êtes en train de vous endormir et puis vous êtes déjà dans une sorte d'imagerie mentale qui est proche du rêve. En fait, le rêve ne survient pas que dans le sommeil paradoxal, il survient dans d'autres périodes en réalité. Et donc ces phénomènes-là, c'était ça. Et vous parlez de l'inconscient et vous dites que l'inconscient, il est structuré comme une exponentielle. Décroissante. On parle beaucoup d'exponentielles aujourd'hui, mais elles sont plutôt croissantes à cause de l'épidémie. Mais là, c'est une exponentielle décroissante, c'est-à-dire que l'inconscient imprime, mais pas pendant très longtemps. Voilà, exactement. Alors justement, ça c'est ma description également finale de l'expérience de Sperling sur la mémoire iconique. Là, je pense pas que j'aurai le temps de développer, je le raconte dans le livre. Mais c'était aussi un clin d'œil parce qu'il y a un de mes premiers livres qui s'appelle « Le nouvel inconscient » qui était assez longtemps, là, c'était en 2006. Dans lequel j'exposais cette notion, donc c'est la première brique du cinéma intérieur aussi, c'est conscience et inconscient ou non conscience, et je procédais également à une relecture du concept freudien d'inconscient, qui me semble important comme relecture à faire, en étant à la fois totalement, on va dire, en désaccord avec la théorie freudienne forte sur l'inconscient, mais en voyant chez Freud quelque chose d'intéressant sur la conscience plutôt que sur l'inconscient, donc c'est un teaser vers ce nouvel inconscient. Mais Freud avait dit dans l'interprétation des rêves, pour bien comprendre la vie psychique, il est indispensable de cesser de surestimer la conscience. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? J'ai l'impression que votre livre, c'était plutôt une critique de cette formule. Non, je suis pas sûr. Je pense que je serais assez... Cette formule de Freud, je suis assez d'accord avec ça. Parce qu'évidemment, et par exemple, on pourrait dire, vous savez, moi, ma thèse de science, elle était consacrée à démontrer, et c'est ce qu'on avait pu faire. Ma thèse était sous la direction de Stanislas Dehaene, qui est un collègue et un ami. Et en fait, ce qu'on a fait pendant ma thèse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pu montrer qu'en fait, inconsciemment, on peut accéder à la sémantique d'un stimulus visuel. Par exemple, la sémantique d'un nombre ou d'un mot, ce qui veut dire que c'est une façon de décrire la richesse de la vie mentale inconsciente. Donc là-dessus, je me reconnais totalement dans la description de Freud, de dire que le périmètre de la conscience, pour bien comprendre en fait la valeur ajoutée, si on veut dire, de la conscience, il faut commencer par comprendre toute la richesse, tout le possible du non-conscient, et qui est énorme en fait. Lionel Akash, on parle de cinéma intérieur, mais moi j'ai envie de vous poser des questions sur la photographie, oui, qui est aussi un art. Absolument. Et j'ai trouvé cette phrase dans le livre de Roland Barthes qui s'appelle « La chambre claire » consacrée à la photographie, il dit « La photographie, c'est l'émergence de soi-même comme un autre, une dissociation retorse de la conscience d'identité. » Donc quand je regarde une photo de moi-même, Et si je reprends cette analogie du cinéma intérieur que vous avez développée, qu'est-ce qui se passe ? Oui, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas cette citation de Barthes. Ce que ça m'inspire, c'est aussi une série d'expériences qui me semble importante, que je décris d'ailleurs dans le livre. C'est que si vraiment on prend au sérieux cette idée de la représentation, ce cinéma intérieur, la représentation du monde en nous, dans le monde, il y a nous aussi. Autrement dit, quand la représentation que nous avons de nous-mêmes, elle n'échappe pas au cinéma intérieur. Ça veut dire, ce que je vois et ce que je sens de moi-même, de moi, de mon intimité à moi, elle aussi est sans doute une construction de ce cinéma intérieur opéré sur moi. Et du coup, on se rapproche de cette question, cette citation de Barthes, c'est que quand vous voyez une représentation de vous à l'extérieur de vous, comme une photographie, eh bien évidemment, ça va chambouler beaucoup de phénomènes. Notamment, on sait reconnaître que vous pouvez avoir une représentation de vous en dehors de vous, donc vous reconnaître sur un écran ou sur une photo, ça demande déjà une capacité de mise à distance, de compréhension. Vous pouvez avoir une capture de vous-même en dehors de vous qui est très complexe, et il y a malheureusement des patients dans des maladies dégénératives par exemple qui ne sont plus capables d'identifier pas seulement la reconnaissance du visage mais de faire la différence entre le reflet et l'identité. Et peut-être pour terminer sur ce point-là, il y a tout un ensemble d'expériences que je raconte et qui me semblent importantes. C'est que si je vous demande où est-ce que vous êtes dans l'espace, Étienne Klein, sans doute vous allez me dire on est à la maison de la radio, mais si je vous demande oui d'accord, mais vous êtes où dans votre propre corps, de vous pousser pour savoir où est-ce que vous sentez, où est-ce que, si vous deviez dire voilà où est-ce que je me trouve dans mon corps en fait, celui que je suis moi-même à mes propres yeux, quand vous commencez à poser ce genre de questions un peu bizarres, c'est très rare qu'on vous dise je suis dans mon auriculaire quoi. Très vite, quand vous poussez les gens où est-ce que vous êtes, les gens ils ont plutôt l'impression d'être proches de leur tête. Et en fait, si vous poussez un peu plus loin, souvent si on doit pousser vraiment cette question qui est un peu étrange, on se représente être le lieu à partir duquel on voit le monde, presque derrière vos yeux, presque. C'est là qu'on est quoi. Et donc, en prenant ça au sérieux, plusieurs collègues, et dès le début du XXe siècle en fait, ont commencé avec Stratton tout d'abord, et puis d'autres collègues, Olaf Blanke par exemple, Herson également en Scandinavie, à commencer à faire des choses assez amusantes. On vous présente, par exemple, sur les versions contemporaines, on vous montre vous avez deux caméras, en fait, donc vous voyez deux écrans, un pour chaque œil, donc vous avez des sortes de fenêtres, de lunettes, un petit peu, en réalité virtuelle. Chaque œil reçoit une image, et en fait, ce que vous voyez, par exemple, dans une version, c'est qu'on a mis une caméra 3 mètres derrière vous, et donc, vous ne voyez plus devant vous, mais ce que vous voyez, c'est ce que voit une caméra qui vous filme derrière vous, 3 mètres. Et toutes ces variantes d'expériences, on peut montrer qu'on peut provoquer des expériences, des sensations de sortie du corps. On a l'impression de ne plus être là où nous sommes. On a l'impression d'être, en réalité, par exemple, 3 mètres derrière. Donc on peut construire au laboratoire des expériences de sortie de corps. Mais il y a aussi des gens qui estiment avoir vécu des expériences de sortie de corps, par exemple dans des états de coma, bien dont sûr, ils reviennent. Bien sûr. Et est-ce que vous l'interprétez à partir de cette image ? Absolument, à partir du cinéma intérieur qui, cette fois-ci, tourne, non pas sur la roue d'une diligence, mais qui tourne sur vous-même, sur comment je me représente moi-même dans le monde. Et on commence aussi à voir... C'est dans comme si la caméra avait été déplacée. Ouais, exactement. C'est que souvent, il y a un conflit. Dès que vous faites naître un conflit entre plusieurs modalités sensorielles, par exemple entre la vision, le toucher, l'équilibre, l'olfaction, etc., vous pouvez arriver dans ces conflits à faire naître comme scénario possible de ce film intérieur quelque chose qui vous délocalise. Et on commence à voir également, il y a des phénomènes que vous avez rappelés, par exemple les near-death experiences, dans les expériences de mort imminente ou de retour justement de sortie de mort imminente. Vous avez souvent des patients qui vous racontent de manière extrêmement crédible leur impression subjective, j'entends crédible, l'impression de se voir de l'extérieur, de se voir par au-dessus, etc. Et certaines crises d'épilepsie déclenchent également ça ou d'autres. Et on commence à décrypter les circuits cérébraux qui sont à l'origine de ces naissances de représentations, de ces distorsions, de ces fictions distordues de notre position dans l'espace à un moment donné. Ce que vous dites sur où est-ce qu'on a l'impression d'être, oui. Ça me fait penser à une phrase d'Antonin Artaud, ouais, qui explique que quand on escalade une paroi, alors l'esprit devient mince comme une main. Ouais, c'est très proche. Est-ce c'est que ça vous parle ou est-ce que c'est simplement de la poésie ? Ah non, ça me parle. Dans le sens, j'imagine que dans cette situation-là, on est dans sa main. Vous êtes dans votre main parce que là, votre vie ne tient non pas qu'à un fil mais qu'à un doigt probablement de la main sur la paroi. Donc effectivement, non, je pense qu'on peut voir là plus. D'ailleurs, la poésie au sens étymologique, c'est de la création, de la poésie. Donc je pense que là, il crée une idée qui est tout à fait fidèle, en tout cas tout à fait cohérente avec ce cinéma intérieur. On approche de la fin de cette émission, malheureusement, et donc je ne peux pas vous laisser partir sans vous poser la question de savoir si tout ce travail que vous faites, toutes les découvertes que vous faites, modifie la définition qu'on peut donner au jeu. Je, J-E. Oui. Ah si, moi c'est un peu le... Je cherche pas à modifier le J-E pour le modifier, vous voyez, pour inscrire une sorte de nouvelle conception du J-E, mais ce qui m'a attiré, moi, vers la neurologie, vers ce que je fais des neurosciences de la conscience, c'est de creuser cette question de la subjectivité. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'être quelqu'un à ses propres yeux? Et si vous voulez le comprendre, évidemment, il faut s'intéresser à la conscience, il faut s'intéresser également à cette narration qui n'est pas uniquement une histoire de neurosciences, mais que de puiser aussi dans la littérature, dans la philosophie. Donc, je pense qu'effectivement, quand on élabore, et c'est ça qui est l'objet un peu de mes recherches au sens large, hein, en médecine, en neurologie, par la recherche au laboratoire et par l'écriture, c'est d'essayer de livrer ma compréhension de ce concept. Et cette compréhension, pour moi, elle se construit au fur et à mesure de ce qui m'alimente, et d'essayer, en l'écrivant, non pas de la communiquer, mais de la construire en l'écrivant, en fait. Donc oui, je pense que je n'aurais pas, et je pense que personne n'aurait l'audace de dire, voilà, on en a fini avec le jeu-jeu, au contraire, mais que pour arriver à s'en rapprocher, je trouve qu'il faut trouver à la fois cette notion de bonne distance, ça veut dire à la fois de la richesse des formulations subjectives et de leurs limites. Dernière question, je voudrais votre réaction à cette phrase. La vision d'une pub crée un cerveau disponible. Alors, je sais pas. La vision d'une pub crée un cerveau disponible. Moi, je sais pas s'il est disponible pour qui, pour la pub. Je suis pas sûr. Non, moi, en général, quand il y a une pub, je change. Je sais pas ce que vous faites, vous. Ouais, mais... Je vous l'ai dit simplement parce que c'est une anagramme. Ah, ah voilà, regardez, en général, c'est ça. Donc... Elle a été trouvée par Olivier Garcia. La vision d'une pub crée a pour anagramme un cerveau disponible. Non. Ah, donc les deux sont là. Donc, voilà, donc je vous laisse réfléchir. Ah, ça, c'est une merveilleuse anagramme. Ça, voilà, merci Lionel Nakache d'être venu à notre émission. Merci beaucoup. Grâce à vous, nous sommes devenus un peu plus conscients de ce dont nous sommes conscients et un peu moins inconscients de notre inconscient. Je recommande la lecture de votre livre qui vient de paraître, Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience. Il est passionnant. C'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la technique Antoine Espel et à la réalisation Delphine Lemaire. Tout de suite, c'était dans quelques instants, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte. Thank you.